pas mettre une planche? Pourquoi mettre des planches pour passer les points quand t'as pas de poids? Mais une planche, j'ai tout dit, c'est machin de mesure.